Intelligent et pourtant on sort pas si bon imbécile. Gede bagay qu'on a dit au monde, font monde dans la position pour ta wè bagay là. Ou qu'on a habitué longtemps à venir dire oui. On t'a dit, madame m'a dit ça, oh oui, ou elle dormi dehors. Et c'est pas vrai, elle fait dormir dehors, elle ne va jamais dormir dehors. Sande da kai, o domino lotai. Mogano bagagiri. Não fala de domino lotai. E só am domino reve. O fom que vou les o dom. Lembro lessa, só te transformei. Non bouik laisse am tomber prani ihon ihon ihon et puis m'a regardé ka voisin pour voisin tout nos petit bœuf mon grand-père m'a fait le bœuf.